Oui, vous étiez en train de me dire, merci beaucoup. François-David Seba, vous étiez en train de me dire le titre du livre où vous parlez de la grève de visage, puisqu'il en a été question, alors je vous laisse l'annoncer. Il s'agit d'un livre qui se nomme « Faire face, faire visage » et qui est coécrit justement avec différents auteurs qui sont à l'hôpital d'Amiens et qui ont fait cette grève de visage. On mettra les références de cet ouvrage en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie ainsi que les autres ouvrages que vous avez consacrés à Lévinas. Encore merci à vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous posez une question. Est-ce que ça existe, les guerres de civilisation ? On s'est en tout cas jusqu'à récemment demandé comment on allait en remporter une. C'était une question tout à fait sérieuse il y a encore quelques années, les années de la fin de l'histoire, après le 11 septembre, quand la guerre des civilisations est brièvement devenue un concept pertinent de la philosophie politique, quand quantité d'intellectuels ont redécouvert le romantisme noir de Spengler, l'auteur maudit du déclin de l'Occident, et qu'on a republié Huntington, l'auteur oublié du choc des civilisations. À mon sens, le choc des civilisations a été certainement appuyé de tout cœur par Osama Ben Laden il y a déjà quelques années, puisqu'il y a, dans les années 90, il a déclaré la guerre sainte, le djihad, contre la civilisation occidentale, le christianisme. Et la réponse de George W. Bush aux attentats du 11 septembre n'a fait que faire monter les enchères dans ce choc des civilisations. Et on peut bien comprendre que les musulmans considèrent les États-Unis comme leur ennemi. Les historiens et les anthropologues avaient beau avoir largement déconstruit le mythe de la civilisation, il a ainsi suffi de faire tomber deux tours et de briser l'arête d'un pentagone pour le voir réapparaître, quasi intact. Soudain, tout était civilisation, nos bonnes manières et nos civilités, comme nos galanteries, nos politesses, nos cathédrales et nos délicats assassinats ciblés, car ce n'était en face qu'invectives, attentats aveugles et lapidations rituelles. C'est justement là que tout s'est joué, faute de consensus sur la grandeur du capitalisme ou l'innocuité de la technoscience. Nous avons considéré que la condition féminine était le marqueur le plus fiable de la supériorité de notre civilisation. Ce n'est pas la passion de l'égalité qui nous a rendu féministes, c'est le désir inavoué d'utiliser le féminisme pour remporter par chaos la guerre de civilisation. C'est pour cela sans doute que les affaires de voile ont pris une importance aussi grande, qu'on a considéré souvent le voile comme un attentat à notre pudeur. Cela correspondait parfaitement à l'image que nous aimions nous donner de nous-mêmes. Après les guerres en dentelle, nous serions également parvenus à curialiser le choc des civilisations. Nous en aurions conçu une transcription ludique et enfantine dans les cours de récréation avec des foulards. C'est comme cela que nous pensions gagner la guerre de civilisations et c'est pour cela que le mouvement MeToo nous a autant traumatisés. La guerre de civilisation, telle que nous nous l'étions représentée, nous n'étions soudain plus en état de la remporter. Ça veut dire qu'on aurait perdu la guerre de civilisation ? En tout cas, la condition féminine en Occident, jusqu'au cœur de la machinerie progressiste hollywoodienne, n'était plus spécialement enviable. La prévalence des crimes sexuels demeurait probablement aussi haute dans nos sociétés avancées que dans les sociétés archaïques ou tribales environnantes. Pour ces victimes, c'est le soulagement. Harvey Weinstein dort enfin en prison. Rose McGowan, l'actrice à l'origine du mouvement MeToo, a elle salué sur Twitter le courage des femmes qui ont témoigné. Pour l'avocate de deux des accusatrices, plus qu'une victoire, c'est un tournant dans la justice américaine. Le temps où l'on faisait comme si de rien n'était est fini aux États-Unis. Le temps de l'émancipation des femmes est venu et vous ne pourrez plus les intimider parce que les femmes ne garderont pas le silence, elles feront entendre leur voix. Le mythe du progrès a connu avec MeToo une défaite majeure, Mais le mouvement, pourtant, le mouvement MeToo protéiforme, se pense encore comme une guerre de civilisation, une guerre totale pour la civilisation. À première vue, face aux chiffres des viols et agressions sexuelles subies par les femmes, on aurait voulu que MeToo se concentre précisément là-dessus, sur les crimes les plus graves, les équivalents occidentaux de la lapidation. Que les murs de nos villes soient recouverts de collages antiféminicides ne choque à peu près personne. On continue cependant d'entendre que les féministes vont trop loin, et on le dit sans doute sans agressivité, avec une certaine bienveillance patriarcale et stratégique. La lutte contre les féminicides, d'accord, mais l'écriture inclusive, quelle drôle d'idée que de diluer ainsi votre cause. Il n'est pas idiot, pourtant, ce concept de dilution. Il dit justement que le combat féministe doit devenir comme l'air qu'on respire. Il dit qu'on doit considérer comme déjà asphyxiante la scène la plus anodine de harcèlement, de rue. On voit par là que MeToo est un projet de réforme anthropologique, une guerre totale, une guérilla plutôt, qui va sans cesse chercher, dans la vie quotidienne, dans la vie civile de la civilisation, de nouveaux champs de bataille. Dire que les activistes de MeToo se trompent de cible quand elles attaquent le mansplaining ou le manspreading, c'est ne rien comprendre à la nature de l'activisme, c'est ne pas voir l'ampleur du mouvement, l'un des plus vastes mouvements politiques qu'on ait vu, une guerre totale donc. Le concept, relativement récent, de culture du viol est en cela très éclairant. Il établit un continuum entre des actes de degrés jusque-là incommensurables et dont la majorité ne trouve même aucune transcription pénale. Personne n'ira jamais en prison pour avoir refusé d'acheter une poupée à son fils, une épée à sa fille. Pourtant, les activistes de MeToo arrivent à faire le lien entre la prévalence du viol et le fait, en apparence bénin, qu'on coupe la parole d'une femme en public. En cela, MeToo est bien une guerre de civilisation, une guerre pour la civilisation, une volonté acharnée de démontrer qu'il existerait bien quelque chose qui lierait tous les humains entre eux, un continuum d'ordre moral entre leurs actes et leurs paroles. Aux mains baladeuses du patriarcat répondent les gestes appliqués des colleuses et leur combat dessine, comme dans un tableau allégorique, une terre promise qu'on appellerait pour la première fois, à juste titre, la civilisation. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission en compagnie d'Isis Jourda, de Géraldine Mosna-Savoie, de Mathieu Tarpin, d'Anaïs Isbert. À la réalisation cette semaine, c'était Thomas Beau, à la prise de son, Clément Daté. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'Emmanuel Lévinas, en partenariat avec Philosophie Magazine. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe Catherine Chalier. On se demandera s'il y a une fin à l'infini et on creusera davantage le lien entre philosophie, religion, Talmud dans la pensée d'Emmanuel Lévinas. D'ici là, pour écouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, mais vous pouvez également télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous pouvez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.